Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non déjà, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. El síndrome de las palabras.